Chapitre 22e. Ce que contenait la boîte en bois. Mais ce sentiment de tristesse, cette sensation d'abandon, ne durèrent pas chez lui longtemps. C'était la concession faite à la faiblesse de la chair, à la poésie du cœur. Paulin Broquet se ressaisit promptement. Il était de ceux pour qui l'Écriture a dit « L'homme qui vit seul est le plus fort ». Il vint dans son cabinet de travail et là, acheva de se reconquérir, de redevenir Paulin Broquet. Sur son bureau, il déposa la petite boîte en bois que lui avait remise Miss Hayden, qu'il n'avait pas voulu laisser ouvrir devant elle. Il l'ouvrit. La petite boîte contenait, serrée dans du papier de soie, des choses vraiment inattendues. Paulin Broquet les en étira délicatement et les plaça une à une sur son buvard pour les examiner à son aise. Il disposa ainsi un fragment d'étoffe à demi brûlé, un petit bouton en acre tout noirci, et un lingot de métal, gros comme une noisette à peu près. Paulin regarda ces trois objets, attentivement, les étudia, chercha à en deviner la provenance, la destination, l'usage. Ce ne fut pas long. Ce ne pouvait, au demeurant, pas être bien difficile, sachant quelle preuve devait, pour lui, fournir le contenu de la boîte. « Bon, » fit Paulin Broquet, « voici un fragment de manchette, un bouton de nacre qui reliait la manchette à la chemise, et ce lingot de métal dans lequel il y a de tout, de l'or, du cuivre, du fer. Devait être une jumelle, un bouton de manchette. » Paulin Broquet ajouta, « Cela nous donne comme conclusion que l'individu qui a cherché à entrer chez Miss Hayden et que le piège électrique a blessé a été brûlé au bras. » Paulin Broquet répéta « Au bras, au bras !» Il ajouta « Au bras, comme Fungetti !» Mais en souriant, il redit aussitôt « Oui, au bras, comme Fungetti, seulement Fungetti a été brûlé par du macaroni !» Alors, précieusement, il remit le fragment de manchette dans la boîte avec le bouton de nacre et le petit lingot de métal fondu. Cette boîte, il ne la serra pas dans son secrétaire ni dans son coffre-fort. « Je n'ai plus rien de sûr ici maintenant !» fit-il en souriant. Il s'approcha de la cheminée de marbre. Sur l'entablement, il appuya, et l'entablement glissa, s'avança, découvrant une sorte de cachette dont vraiment il était fort difficile de deviner l'existence. Puis, il alla se coucher. « Pourvu que la femme rousse me laisse dormir, » fit-il. La femme rousse, sans doute, savait que Paulin Broquet avait grand besoin de repos. Elle ne vint pas le troubler dans son sommeil. Sans coup de téléphone, sans appel, sans trouble d'aucune sorte, Paulin Broquet put reposer assez avant dans la matinée. Sa journée, il l'employa à diverses courses. À suivre plusieurs affaires, puis, le soir, il vint au cirque. Il voulait revoir Fungetti, lui demander des nouvelles de son bras. Le clown se trouvait parmi ses camarades. « Je vais beaucoup mieux, » dit-il au détective. « Le macaroni est décidément moins méchant qu'il n'est bon. » Paulin Broquet remarqua que ce soir, Fungetti, s'il avait encore le bras en écharpe, portait toutefois un pansement quelque peu différent de celui de la veille. Le haut des doigts de la main droite dépassait le pansement, et dans ses doigts, Fungetti pouvait tenir le cigare qu'il fumait. « Fort heureusement, » dit Paulin Broquet, « je vois que votre main n'est pas trop endommagée, comme hier je le redoutais pour vous. » Fungetti, à cette remarque, eut un léger tressaillement. « Heureusement, en effet, » répondit-il non sans embarras. La brûlure ne commence qu'au poignet. Par une de ces veines exceptionnelles dont nous sommes, nous les clowns, redevables aux dieux des acrobates, mon bras seul a été atteint. Encore ce matin, en me pansant, le docteur me déclarait que seulement l'épiderme était entamé. Aucun muscle, aucun tendon n'est intéressé. Ce sera vraisemblablement l'affaire de quelques jours. J'aime mieux ça. Nous pouvons donc, nous qui vous admirons, vous en féliciter. Paulin Broquet regagna son fauteuil en se demandant comment une blessure, une brûlure faite dans les conditions que je présume, a-t-elle pu seulement atteindre le bras et pas du tout la main? Lorsque Miss Hayden parut au cirque, Paulin Broquet, tout en lui faisant haut les compliments habituels, put lui dire tout bas rapidement « Accordez-moi tout à l'heure l'hospitalité dans votre voiture. » « Avec plaisir, » lui répondit la plus belle des femmes, en allant cueillir les bravos de ses admirateurs, de ses fervents adorateurs.